Amis humains, bonjour. Pour éviter le sida mental, la mécanique quantique, le rock progressif et la conscience christique. Écoutez, il y a deux flèches du temps. Eh ben oui, deux flèches, ma brave dame, que voulez-vous, l'univers et sa matière sont ainsi faites. Tâchez alors d'emprunter la bonne flèche, en étant attentive aux aiguillages du destin et de la providence. Un regard sur l'information n'indique pas forcément le cours du monde. Les réseaux souterrains créent les œuvres de l'avenir. Les gens vivent des expériences à l'écart des caméras et des médias qui ne reflètent pas trop le vécu des individus mais se plaisent à produire l'information qui fera du buzz en excitant les émotions et les désirs des spectateurs. Noyade, attentat, incendie, catastrophe, polémique, scandale. Allumer la télé, c'est un peu aller aux putes. Les journalistes sont des prostituées du scoop et les cadres médiatiques leur macro. Platon nous conseillerait un contrepoison, voire un préservatif cérébral pour ne pas attraper le sida mental après avoir consommé trop d'informations de masse. Cette contamination se propage même sur les réseaux sociaux et les journaux citoyens. Le monde vacille, les maladies gagnent les corps, le cancer et Alzheimer ne reculent pas mais pour le voyageur des réseaux sociaux, ce qui est plus important, c'est que Sophie Marceau soit nue. André Breton a une idée. Projeter une vidéo de Monica Bellucci en petite tenue dans les centres de soins palliatifs. Il est fou, ce Breton. Comment se préserver du sida mental? Pensez-vous qu'il soit utile de lire des choses sérieuses comme Michel Serre, Étienne Klein, Hubert Reeves, les Bogédéanoff, Jean-Claude Ameisen, Jean-Pierre Luminet ou Michel Onfray? Que ce soit en physique, en biologie ou en philosophie, les auteurs français qui vendent le plus ne sont crédités d'aucune découverte majeure dans leur spécialité. Les meilleurs chercheurs ne publient pas pour le grand public ou s'ils le font, c'est souvent dans les pays anglo-saxons. Contre le sida mental, une trithérapie de l'âme, pour soigner l'intellect, la conscience esthétique et les aspirations éthiques. D'abord, une bonne dose de mécanique quantique mais concoctée à la mode ontologique par d'audacieux physiciens. Je vous conseille Vlacto Vedral, Leonard Susskinde, Paul Davies et Lise Molin, dont vous pouvez lire les réflexions originales en consultant le site de prépublication AR14. Ensuite, une immersion dans le rock progressif. Je vous signale au passage que le festival Crescendo est gratuit, qu'il accueille du 20 au 22 août à Saint-Palais une dizaine de formations venues du monde entier et notamment deux groupes italiens cette année. Le rock progressif est une musique d'avenir, qui ne cesse de créer et d'inventer, avec les meilleurs instrumentistes de la scène rock, de quoi récurer les tympans salopés par toute cette soupe de pop-rock de masse et de chansons françaises diffusées sur nos médias peu enclins à éclairer le public et l'illuminer de ses splendeurs musicales. Même Hitler, pas vraiment dans le coup pour ses choix esthétiques, aurait boudé la télé de Drucker, Arthur et Sébastien. Cette remarque m'a permis de franchir le point Godouin sans qu'on ne m'y pousse. Je n'aime pas être obligé. Je pense librement. La mécanique quantique et le rock progressif sont l'avenir du monde. La mécanique quantique parce qu'elle livre une nouvelle vision de la nature et même du cosmos. Avec une matière qui échange des informations et qui s'ordonne grâce à l'ordre du temps et de la gravité immergente. Vous comprendrez ces choses les prochaines années, quand le grand basculement aura lieu. J'y travaille et ça avance, malgré l'indifférence des gens médiatiques et scientifiques. Quant au rock progressif, il est le lieu où les expériences musicales sortent des impasses parcourues par les genres mainstream, de la chanson au pop-rock en passant par une longue liste de productions d'autant plus insipides qu'elles occupent le temps de cerveau chez les spectateurs de masse. Mécanique quantique et musique progressive, pour sortir des impasses scientifiques et esthétiques. Et une conscience christique pour ouvrir son âme vers une éthique universelle. Et sortir des impasses morales des bien-pensantes et des intégrismes de toutes obédiences, y compris maçonniques. Concluons en saluant le volet christique aux figures l'éthique, l'esthétique et l'intellectique, rédemption, création, révélation, éto, logos, héros. Cette fois vous y êtes. Je vous souhaite l'inspiration la meilleure qui soit mais c'est vous qui voyez et décidez. La trithérapie de l'âme, le quantum, le Christ et le prog. Au nom du Père, du quantum et du Saint prog. C'était une sélection Radio Parasite. À bientôt et grosse bise numérique.